faire comme vous aimez, et ici, justement, c'est une cigare à mon frère. Elle s'appelle Carmen, Carmen, Carmen, oui, mon cœur. Elle avait pour amant, elle avait pour amant, un soldat qui l'a dit à déserter pour elle. Carmen, mais c'est fini de quoi, les amours de Carmen ne durent pas six mois. Vous l'aimez, sans mon nom. Je l'aime. Vous l'aimez, sans mon nom. Je l'aime, oui, mon père, je l'aime. Je l'aime à la folie. Mais pour nous enlever nos filles, le poème, avez-vous pas qu'il faut payer? On paiera, ouais, on paiera. Et que le prix se paie à coup de Navajo. À coup de Navajo. Comprenez-vous? Le discours est rené. Le déserteur, ce faux soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est donc vous. Oui, c'est moi-même. Quand tu ravis mon père, quand tu ravis mon père, c'est le tour on va à ma colère, on va y parler le sang. Oui, le sang que les pères avaient donné. On va à ma colère, on va y parler le sang. Oui, le sang que les pères avaient donné. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Mettez-vous en garde, veillez sur vous.